Chapitre 2. Dans la matinée du surlendemain, la voiture d'Horace Meldwyn croisa un convoi funèbre sur la route qui menait de Montparou à Sauvin-le-Béni. Deux cercueils, l'un drapé de noir, l'autre beaucoup plus petit de blanc, voisinaient sur le char funèbre, tous deux couverts de fleurs. Horace eut le temps de remarquer au passage le ferme profil, la mince et droite silhouette de l'un des deux hommes qui conduisait le deuil. Par Damien, qui lui ouvrit la grille du château, il apprit l'accident qui avait causé la mort de la comtesse Rudengorff et de son fils. Le vieux domestique ajouta que mademoiselle Élisabeth allait beaucoup mieux aujourd'hui et qu'elle attendait avec impatience M. Meldwyn. Quand son cousin entra, Élisabeth se leva du fauteuil où elle était assise et alla vers lui, les deux mains tendues. « Quelle joie de vous revoir, Horace !»« Chère Élisabeth, il paraît que vous avez été bien secouée. Votre physionomie en porte encore les traces. »« Damien vous a raconté ?»« Succinctement, mais vous me direz tout cela plus tard. Mieux vaut ne pas remuer encore ces pénibles souvenirs. Parlons d'autre chose. » Et il donna des nouvelles de son père, d'Alison, de tout ce qu'Élisabeth avait connu en Angleterre. En l'écoutant, en voyant son rassurant sourire, la ferme bonté de son regard, elle sentait descendre en elle un apaisement. Ses nerfs, surexcités par la commotion morale subie 3 jours auparavant et mal calmés encore, se détendaient enfin vraiment. Elle décida de se rendre avec son cousin à Aigueblanche dans l'après-midi pour le présenter à Madame de Groussel et à ses enfants. « Je pense que je dois aussi aller voir votre père et votre belle-mère aujourd'hui, » dit Horace. « Sans doute, mais peut-être ne vous recevront-ils pas, elle du moins. Ce matin, on a enterré sa fille et Thierry. J'ai rencontré le convoi tout à l'heure et j'ai aperçu le comte Rudengorff. Brun, grand, mince, comme vous me l'avez dépeint naguère. À côté de lui devait être votre père, mais je n'ai pas eu le temps de le distinguer. Après tout, à la réflexion, mieux vaudra que j'attende à demain pour cette visite. » Mais Horace devait quand même faire la connaissance de M. de Ruden ce jour même. Le comte apparut chez sa fille au début de l'après-midi. Elle s'entretenait avec son cousin et Adélaïde dans la pièce qui servait de salle à manger. Il parut contrarié à la vue du jeune homme et la cordialité qu'il lui témoigna ensuite avait quelque chose de contraint. Horace, observateur très fin, eut l'impression que sa présence le gênait. Il allait se lever en alléguant son désir de faire un tour dans le parterre quand une question de M. de Ruden à sa fille lui fit changer d'avis. « Voudrais-tu, Élisabeth, me faire un récit exact de cette tragique promenade sur l'étang ?» Le ton, un peu brusque et presque menaçant, surprit le jeune homme, et sans doute aussi Élisabeth, car elle regarda son père avec un visible étonnement. En termes brefs, avec une altération dans la voix quand elle arriva au moment si court du drame, elle raconta ce qui s'était passé depuis l'instant où Agathe, tenant Thierry par la main, l'avait abordé sur la rive de l'étang. M. de Ruden l'écoutait d'un air perplexe en tapotant nerveusement le bras de son fauteuil. Il eut un hochement de tête dubitatif quand Élisabeth conclut « Je croyais du moins avoir sauvé Agathe. On m'a dit qu'elle avait succombé à une congestion. » « Oui. » Tu ne savais pas qu'elle avait l'habitude de goûter vers cette heure-là ? Si, je le savais, car je l'ai vue plusieurs fois à Aigueblanche prendre des tasses de chocolat ou de thé avec des pâtisseries plus ou moins lourdes dont elle raffolait. Ah, si tu savais ! Horace prêtait l'oreille avec une attention aiguisée. Singulière question, singulier accent. Il regardait le visage, dont les traits fins s'affaissaient, dont la bouche molle dénotait une redoutable faiblesse de caractère. Un être amorphe, dont la volonté n'existait plus. Après un petit temps de silence, M. de Ruden reprenait, d'une voix qui hésitait un peu. « N'as-tu pas idée que tu aies pu, à un moment, provoquer ce mouvement du canot qui a précipité à l'eau Agathe et l'enfant ? » Les sourcils d'Élisabeth se rapprochèrent en signe de vive surprise. « Mais mon père, je vous ai expliqué ce qui s'était passé. C'est Thierry qui a voulu cueillir une fleur et ainsi a déterminé la catastrophe. Je n'ai pu qu'essayer de les sauver tous deux. Si vous tenez absolument à chercher une responsable, c'est Agathe qui le serait pour n'avoir pas habitué son fils à lui obéir. » Le ton d'Élisabeth se nuançait d'impatience, de sécheresse. M. de Rudaine en parut violemment irrité. « Vas-tu l'accuser, maintenant, cette malheureuse enfant ?»« Je désire simplement que les responsabilités ne soient pas déplacées. Agathe, malgré le refus que je lui opposais d'abord, a insisté pour faire ce tour des temps. Elle n'a pas su ensuite empêcher son fils de commettre une imprudence. Voilà toute la vérité. Il est donc inutile de chercher autre chose. Vous pourrez le dire à Madame de Rudaine. » Un peu de sang monta au visage de M. de Rudaine. Il se leva en disant avec une sorte de balbutiement qui dénotait son agitation « Tu parles bien haut. On sait pourtant que tu détestes ma femme, que tu haïssais Agathe. Penseriez-vous donc que je l'ai tuée ?» Élisabeth jetait ces mots dans un cri d'indignation auquel fit écho une exclamation d'Adélaïde. Les paupières battirent sur les yeux qui semblaient ne pouvoir soutenir le regard d'Élisabeth. Je ne dis pas cela, je cherche à connaître les circonstances. Il y a des choses troublantes là-dedans. Quelles choses troublantes ? Mais parlez donc, mon père, dit presque violemment Élisabeth. Eh bien, tes sentiments pour Willibald ? Élisabeth se leva si brusquement que la chaise tomba derrière elle. Son visage s'empourprait. Elle dit avec la même violence « Ah, c'est cela que vous pensez ? Vous accusez votre fille d'être une lâche meurtrière ? Vraiment, mon père, vous êtes tombé bien bas !»« Ma petite fille, ma petite Élisabeth, vous allez vous faire mal !» dit la voix effrayée d'Adélaïde. « Oui, Élisabeth, c'en est assez !» Horace intervenait d'un ton de ferme autorité. Quittant son siège, il posait sa main sur l'épaule frissonnante de la jeune fille. « Retirez-vous dans votre chambre, calmez-vous, chère cousine. Vous aurez toujours près de vous des amis pour vous défendre contre d'aussi odieuses calomnies. » Se levant à son tour, M. de Rudaine dit avec colère « Que savez-vous de tout cela ? Élisabeth a toujours été un être intraitable, systématiquement hostile à sa belle-mère. Et vous, mon oncle, vous obéissez en ce moment à des suggestions que je ne veux pas qualifier. Mais laissons pour l'instant cette pénible discussion. Élisabeth n'en peut plus. Emmenez-la, mademoiselle Adélaïde, et faites-la reposer. Elle n'est pas en état de sortir. » De fait, Élisabeth semblait prête à défaillir. Elle prit le bras d'Adélaïde et entra dans sa chambre. Bien, bien, mais il faudra que l'on voie clair dans cette affaire, grommela M. de Rudaine. Tournant les talons, il quitta la pièce, le dos un peu courbé, l'air d'un malfaiteur qui vient de tenter un mauvais coup, songea Horace. Le jeune homme alluma une cigarette et s'accouda à la fenêtre en méditant jusqu'au moment où Adélaïde reparut. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. « Je lui ai donné un calmant, pauvre petite, et j'espère qu'elle sera mieux tout à l'heure. Mais c'est abominable, monsieur Melvin. » « Abominable, en effet, de la part d'un père surtout. Quelle affreuse intrigue a donc pu combiner cette madame de Rudaine ? Hélas, je la crois capable de bien des choses mauvaises. » Horace se pencha pour secouer la cendre de sa cigarette. Il semblait songeur. Au bout d'un instant, il demanda « Croyez-vous qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce que prétend mon oncle au sujet d'une inclination d'Élisabeth pour son cousin Willibald ?» Adélaïde hocha la tête. « Je n'en sais rien. Pour ma part, je ne m'en suis pas aperçue. Ils avaient d'excellents rapports d'amitié depuis le retour d'Élisabeth, alors qu'autrefois il existait entre eux une sorte d'hostilité provoquée par les sournoises calomnies de Madame de Rudaine à l'égard de sa belle-fille. « Oui, des calomnies toujours, détruire une réputation par tous les moyens. Ce doit être encore aujourd'hui son but. Je vais aller voir dès maintenant le comte Rudengorst, mademoiselle. Il faut que nous parlions ensemble de cela. » Muni des indications d'Adélaïde sur la route à suivre, Horace quitta la tour. Il avait laissé sa voiture dans la cour, en attendant que fussent partis les hôtes, demeurés aujourd'hui encore au château pour assister à la cérémonie funèbre. En 5 minutes, sans jeter un regard sur le paysage environnant, tant il était absorbé dans ses pensées, il fut à Aigueblanche. Comme la servante l'introduisait dans le vestibule, une fraîche apparition se montra au seuil d'une porte. Catherine, vêtue de deuil, les yeux éclairés de jeune gaieté. « Ah, c'est monsieur Horace Meldwyn !»« Et vous, sans doute mademoiselle Catherine de Groussel. Élisabeth m'a montré votre photographie. »« Et elle a fait de même pour vous. Mais elle ne vous a pas accompagné. J'espérais la voir aujourd'hui. » Elle ne s'est pas sentie encore assez bien. Aurais-je le plaisir de voir le comte Rudengorst, mademoiselle ? Willibald est à une de ses fermes pour examiner un bœuf malade. J'espère qu'il ne tardera pas trop. Sinon, je vous conduirai près de lui, car il serait certainement contrarié de ne pas vous voir. Venez par ici, ma mère et mon frère Abel sont là. Dans le salon un peu fané, mais toujours orné de fleurs par Catherine, Horace parut aussitôt se trouver à l'aise, comme en un cadre familier. Il entendit un vif éloge d'Élisabeth, auquel il s'associa chaleureusement. Son regard s'attardait avec sympathie sur le fin visage d'Abel, spiritualisé par une profonde vie intérieure, et sur celui de Catherine, si vivant, d'une si naturelle fraîcheur. Au bout d'une demi-heure, Willibald ne paraissant pas, la jeune fille emmena leur hôte vers la ferme en disant qu'ils verraient ainsi une partie de leur domaine. Ils partirent tous deux, le mince Anglais à la chevelure d'un blond nuancé de roux et la brune Catherine qui, dès ce premier moment, paraissait fort bien s'entendre. À mi-route, ils rencontrèrent Willibald qui revenait. Après de cordiales poignées de main, ils reprirent tous trois la route du château. Désireux chacun de son côté d'avoir un entretien seul à seul, Willibald et Horace souhaitaient que Catherine les laissât un moment. Comme ils arrivaient dans la cour d'Aigueblanche, Willibald dit à sa sœur « Va nous préparer le goûter, ma petite Catherine, nous allons fumer une cigarette dans le jardin. »« À tout à l'heure donc, messieurs » dit-elle en esquissant par plaisanterie une révérence. Le comte et son hôte, passant sous la voûte, gagnèrent le parterre situé devant l'autre façade. Ils avaient allumé une cigarette, mais elle demeurait entre leurs doigts et s'éteignit bientôt, comme le remarqua Abel de la fenêtre du salon. Ils causèrent un long moment, et quand tous deux rentrèrent, leur physionomie soucieuse, un pli au front de Willibald et une lueur inaccoutumée dans son regard, ne purent passer inaperçus pour Abel et Catherine, qui songèrent « Qu'y a-t-il donc encore ?»